sans seul même accompagné. Laisse-moi vivre avec mes drames, mes soucis m'ont condamné. Avant j'évitais tout, je disais même pas ma mère ça va. Petit frère tu sais qu'elle souffre donc arrête de faire carnage. Putain de drôle de life, je dors le jour, je fais la night. Je freestyle dans mon quartier alors les gens me traitent de racaille. La vie c'est pas ça ma caille, oui moi j'arrête tout là ça y est. J'irai pas devant au parlant, je resterai pas dans mon coin à chialer. Combien de fois j'ai vu des choses, mais je me lâche pas, je garde tout. Je regrette pas de me tenir au rap, mais je regrette les stades de foot. Je crois que j'ai un peu pris un coup, la justice m'a mis le blues. Y'a une époque où j'ai capoté pour me payer ma paire de choses. Et quand je me suis fait péter, je pensais trop à ma mère. On a tous les mêmes problèmes, mais oui, demande à Kader. Faut éviter le terre-terre, sinon les chenilles te mettent à terre. Faut éviter les affaires, parce que tu sais que les balles se perdent. Oui, j'ai une drôle de life. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Non, c'est une drôle de life. Critique, mais ils écoutent. Non, c'est une drôle de life. Vous méritez des coups. Y'en a trop qui font les sourds. Profitez, la vie est cool. Non, c'est une drôle de life. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Non, c'est une drôle de life. Critique, mais ils écoutent. Non, c'est une drôle de life. Une putain d'aide dérisoire, j'suis en t-shirt dans le bizarre. Quartier, c'est pas bizarre, le flic dans le rétro, le pif dans le viseur, mec. Ça n'est trop, j'en ai marre, j'ai les chromés, j'ai les marques. J'en ai vu beaucoup, mais ça le fait, c'est des marques. Oui, le rap, c'est mon élément, fais-moi la passe, c'est le but, je le marque. Pas de l'envie de pisser, les panneaux, Halko va pas le kisser. Certes, t'es cramé, mais reste en pisser. Malgré les problèmes où il faut pisser, c'est le ghetto fait, flow et guise. Et que le trophée, est-ce que tu sais qu'on en a trop fait? On a trop fait, faut pas le mépriser. Une vie grisée, électrisée. Quand marque quelqu'un, j'ai le cœur brisé. J'suis comme tout le monde, des fois j'suis triste, j'rêve de partir, de m'exiler. Marre de la zone, je veux la somme. La vie au rap, on donne l'assaut. Ouais, elle console, l'extrême console. Sur elle, je pose, je me sens solo. Dégain mes épaules, dégain mes bras, dégain j'épaule, dégain j'épaule. On a la harne, c'est le ghetto fait, laisse-nous souffler. Dans cette drôle de life, on en a trop fait. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Dans cette drôle de life. Critique, mais ils écoutent. Dans cette drôle de life. Vous méritez des coups. Y'en a trop qui font les sourds. Profitez, la vie est cool. Dans cette drôle de life. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Je fais que sur ma mère, je m'endors avec mille soucis sous le coussin. Les problèmes c'est banal, obligé que tu vires mal. Bagarre conjugale devant tes yeux, tu parles qu'on le vit mal. Les problèmes des suicides, je t'aide au policier. En fumette dans la cour, je me demandais ce que je fais au lycée. Trop de life en bois, on est pas né, nous comme déjà. Nous pour limiter les dégâts, moi je crois en Dieu, non je suis pas tes gens. Avec un but, je consomme autant de peu, en faire des comas. Pour ceux qui m'écoutent, vous savez les couilles, moi je suis trop commun. Marseille c'est pas encore, t'es pas au top, c'est ta poil contre. Les petits se plongent dans la coque et s'empattent les couilles de ta pente. Drôle de vie facile, l'argent facile, les filles faciles. Si même le bonheur facile, on attend que l'espoir fascine. On fait des fautes et on assume, mec. Moi je suis bien la lune, mec. On compare pas les cloques avec les fusils à lunettes. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Dans cette drôle de life. Critique, mais ils écoutent. Dans cette drôle de life. Vous méritez des coups. Y'en a trop qui font les sourds. Profitez, la vie est cool. Dans cette drôle de life. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Dans cette drôle de life. Critique, mais ils écoutent. Dans cette drôle de life. Vous méritez des coups. Y'en a trop qui font les sourds. Profitez, la vie est cool. Dans cette drôle de life. L'éternel voit de tous ces ghettos sombres. Ah ouais, Alain Coe dira qui sont les hommes de l'ombre. La haine de tous ces ingrats et PDH sont nombre. La haine quand tu fais du cash et cash, ils niquent son nombre. Gentil Nathalie, le terre a te tomber. Il te pousse dans ton cercueil, compte à moi, y'a pas tombé. Ray laisse tomber, trop de vie estompée. A cause des indiques, STB leur prouesse pompée. Hopé à dire des vérités, restez honnête. Topé au rap, mais t'en prends pas gagner très net. Si vous faites des doigts pour les frères, hein, c'est net. Je le sais, mais j'aimerais faire partie de ces mecs. Ouais, œil pour œil et le monde finira aveugle. On mène des drôles de life, tu vois pas comme on en bave. J'vois les choses changer, j'me sens étranger. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Dans cette drôle de life. Critique, mais ils écoutent. Dans cette drôle de life. Vous méritez des coups. Y'en a trop qui font les sourds. Profitez, la vie est cool. Dans cette drôle de life. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Dans cette drôle de life. Critique, mais ils écoutent. Dans cette drôle de life. Vous méritez des coups. Y'en a trop qui font les sourds. Profitez, la vie est cool. Dans cette drôle de life. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Dans cette drôle de life. Critique, mais ils écoutent. Dans cette drôle de life. Y'en a trop qui font les sourds, profitez, la vie est cool. Dans cette drôle de life. Les gens parlent, ils nous dégoûtent. Dans cette drôle de life. Critique, mais ils écoutent. Dans cette drôle de life. Vous méritez des coups. Y'en a trop qui font les sourds, profitez, la vie est cool. Dans cette drôle de life.